sous palissade, nous allons dans le montagne matique pour nous aller au Dibois trois fées. Aïe, nous pas gagner Dibois trois fées. Mon cousin dit des mamans qui maladie te gagne, toi, Pégo Dibois trois fées. Aïe, nous gagne maladie en volée.